essayer, c'est sûr. Te retrouver entre mes murs, entre ma carapace et mon image dont tu te fous bien, mon amour. Est-ce que mon cœur te tient? Et toi, est-ce que les jours te semblent heureux? Est-ce que les heures te sont plus douces en solo au milieu? Moi, mon bonheur à la frousse. J'ai tout donné, c'est sûr. Même cette impression d'imposture, quand tu m'aimais plus que pour deux et que tu ramais mon amour, ton cœur se noyait. Tu as encaissé, c'est sûr, les nuits blanches et mes aventures, les courses folles à la dérive, le précipice qui m'enivre, mon amour. Mon cœur se givre et toi, est-ce que les jours te semblent heureux? Est-ce que les heures te sont plus douces en solo au milieu? Moi, mon bonheur à la frousse. J'ai tout compris, c'est sûr. L'amour n'est qu'une injure. Je suis seule et plus tellement sûre, cherchant une bombe dans la luxure. Mais mon amour, mon cœur te jure. Et toi, est-ce que les jours te semblent heureux? Est-ce que les heures te sont plus douces en solo au milieu? Te semble heureux, est-ce que les heures te sont plus douces en solo au milieu? Moi, mon bonheur à la frousse. Dominique Bouffard avec Mon bonheur à la frousse de son album éponyme, son premier album disponible depuis le 28 août. Il y a quelques jours, c'était le lancement même à Montréal. Le premier album éponyme de l'auteur, compositrice, interprète Dominique Bouffard sera disponible en magasin dès le mardi 28 août, dit son dossier presse, produit par Crystal Music et réalisé par David Brunet qui a travaillé avec Daniel Boucher, Yann Perrault, Mike Prévost et Tricot Machine. Le disque comprend 12 pièces écrites et composées par la gagnante du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2004. Entouré des musiciens Simon Blouin à la batterie, celui qui travaille avec Vincent Vallière, Mike Prévost, Luc de la Rochelière et Dumas, François Richard au clavier, qui travaille avec Frédéric Garicomo et Ariane Gauthier, Marc Hébert à la basse et David Brunet à la guitare, Dominique Bouffard propose un univers simple et personnel avec des histoires modernes, petites bribes du quotidien qu'elle colle sur un fond folk rock populaire. Origine de Kamouraska, Dominique Bouffard y grandit jusqu'à l'âge de 17 ans avant de s'établir à Québec, en participant à plusieurs concours dont Cégep en spectacle, le tremplin de Dégely et le festival en chanson de Petite-Vallée. L'auteur-compositrice-interprète se fait remarquer dans le milieu de la musique très rapidement. Ses nombreuses collaborations à d'importants événements culturels l'amènent à percer sur la scène professionnelle et à signer avec Crystal Music. Le premier extrait radio s'appelle « Tant pis » et fait belle figure présentement dans l'ensemble des radios du Québec. Dès la sortie de ce premier opus, Dominique Bouffard sillonnera le Québec pour rencontrer la presse et présentera une première série de spectacles à l'automne afin de faire découvrir au public ses 12 chansons. Si vous voulez plus d'informations sur Dominique Bouffard, allez voir le www.dominiquebouffard.com ou le myspace.com/Dominique Bouffard. Vous pouvez évidemment entendre un paquet de pièces de cet artiste. Maintenant, on va entendre son premier extrait radio qui s'appelle « Tant pis » et ça se passe maintenant à la chance. Au courage! J'ai des horaires qui me coûtent. Je pense qu'à toi et à moi. Ma tête et mes mains s'en foutent. avec toi. La vie est dure à Québec. Tous vont marcher pour une cause. Et pendant que tu m'inspectes, la grève fait une overdose. Ton rire fait des ravages dans ma petite vie. Tu dis que c'est dommage, les gens seuls. Qui se pousse, et puis des envies d'été. J'ai perdu goût à la course. L'avenir est de notre côté. Ah. Ton rire fait des ravages dans ma petite vie. Tu dis que c'est dommage, les gens sont. Et tant pis, la ville redevient muette, ne reste que mon cœur qui bat. Et si ma vie est ta perte, et si ta vie est ma perte, je veux la perdre avec toi. Je veux la perdre avec toi. Ton rire fait des ravages dans ma petite vie. Tu dis que c'est dommage, les gens seuls. Ton rire fait des ravages dans ma petite vie. Tu dis que c'est dommage, les gens seuls. Dominique Bouffard avec Tant pis de son album éponyme. Maintenant, on passe à une autre artiste féminine. Voici Kim Bingham et la pièce Le désert. À la chance au courant! Le premier simple du nouvel album de Kim Bingham qui s'appelle Intermède, la pièce c'est Le Désert. Parlons un petit peu de cette auteure, compositeur, guitariste, réalisatrice et chanteuse. Avec chaque nouveau projet, la Montréalaise et citoyenne du monde, Kim Bingham redéfinit et renforce sa démarche artistique. Dans la première moitié de 2007, Kim a complété la composition de la musique originale de la deuxième saison de la populaire série québécoise Les Invincibles et, a réalisé deux disques, la trame sonore des Invincibles sur Warner Music et son premier disque francophone Intermède, que voici. Son document de presse envoyé par l'étiquette. Kim propose donc 6 chansons inédites, le jazz remix de l'une d'elles et 2 chansons acoustiques en bonus qui compose son premier opus dans la langue de Vignon. Son premier extrait radio, Le Désert, définit bien l'approche musicale de Kim, des musiques pop à saveur britannique, mélodieuse et concise qui favorise les cordes sur lesquelles sa superbe voix prend son envol. On a d'abord connu Kim en tant que cofondatrice, chanteuse et auteure-compositrice du groupe ska Me Mum and Morgan Taylor, puis sous le pseudonyme de Mud Girl. En 2001, elle se réinvente encore une fois et donne naissance au groupe The Kim Band. En tant que guitariste, elle accompagnera Nelly Furtado et David Usher en tournée et sur différents plateaux de télé à travers le monde. Kim sera bientôt de retour à Montréal le 9 septembre pour la remise des prix Gémeaux, où elle se retrouve avec 2 nominations dans les catégories chansons thème de l'année et musique originale de l'année, puis pour lancer Intermède le 11 septembre au Cabaret de Montréal. Elle va co-animer aussi le gala des Gamics au Métropolis le 16 septembre en compagnie de Rémi-Pierre Paquin, aussi des Invincibles. Donc, pour plus d'informations sur Kim Bingham, allez voir le www.kimbingham.com ou encore le myspace.com/kimbingham. Les liens sont sur le unechance.com, le site de l'émission, si ça vous intéresse, parce que c'est un nom qui est peut-être difficile pour certains à appeler. Je sais pas. Hein? Peut-être que certains vont l'appeler Big Ham. Donc, on écoute une deuxième pièce de sa part. On va écouter la première de l'album qui s'appelle Intermède. Voici tout de suite Fantasy. Et ensuite, on passerait au rap. Oui, au rap. Wow! Avec XLA. Et une nouvelle autrefois. C'est à la chance, au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À CIFO 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. en effet. On discute comme ça et puis... Pour les fans de Stereolab, on disait que c'est ici en studio que c'est quelque chose de bon pour du francophone même. Ben, t'sais, pour du francophone, ça fait comme un faux compliment. C'est comme dire, ouais, pour un gros, t'es beau. Non, mais tu sais, je sais pas. Ça a comme pas rapport. Kim Bingham, l'album s'appelle Intermède. Voici un peu de rap avec XLA, nouvelle autrefois et nom de l'album. Voici Je verse. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur, les ondes sur le moniteur, le son de mes haut-parleurs. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur, les ondes sur le moniteur, le son de mes haut-parleurs. From the back to the front, just step to the left and just lose it. From the front to the back, just step to the right and keep on doing it. From the back to the front, just step to the left and just lose it. From the front to the back, just step to the right and keep on doing it. Déplace toute ta masse à la gauche, déplace toute ta masse à la droite. Hey, c'est le temps de champaliser, chanter, changer ta mentalité. Le genre de blues à la batte qui t'intrigue, plus faisant, mais il ne faut pas que tu te fasses. C'est que je fais de permanent des vice-versement. Je verse mes versets dans le doucement. Je n'aime plus la vie en balance, sans foi. J'ai fait ce qu'il fallait même dans le froid. Et si je n'affronte pas le courage, je perdrai ma croix. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur. Les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. I am ready for this. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur. Les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. And I've been waiting for this. I love pour toujours. Depuis que j'ai laissé les ODTF, c'est le manque de couleurs, c'est comme la vie. Bref, c'est tout c'est comme une complément du chef. Ça sort des calculs verbal orthogonal sur le canal du multiplex. Signal illimité de pensée enchaînée comme une fluidité lexicale. Je me souviens des moments que j'ai passé, les rêves d'un avenir que j'ai tracé. Mon histoire de plus tard, que j'ai cassé la barrière de couleurs qui vont de lasser. La musique, c'est la mélodie, les rythmes, la voix. Tout ce qui m'entoure alimente les droits. Et ça fait du bien de rimer comme ça. Je n'aime plus la vie en balance, sans foi. J'ai fait ce qu'il fallait même dans le froid. Et si je n'affronte pas le courage, je perdrai ma croix. Au niveau de la méthodologie excellente, je déshabille vite comme un acapella. Bouge avec les mélodies, mesdames, mais le fait là. Mes droits dans mes écrits, t'es qui là? Faites place pour les dames qui se brassent. Laisse les b-boys dans la salle de l'espace. Faites place pour les dames qui se brassent. Laisse les b-boys dans la salle de l'espace. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur. Les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur. Les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. De mes haut-parleurs. C'est pour mes ailes, c'est pour mes ailes. C'est pour mes ailes, mais pas plus que mes demoiselles. Pour tous mes chers amis, je t'ai dit c'est décibels. Pour ma famille, je souhaite la paix universelle. Pour finir ce qui était une fois commencé, il faut faire ce qu'il faut faire pour y en arriver. La vie peut te donner le souffle si tu crois. La raison d'être que tu cherches existe en toi. La puissance de mes écouteurs, les mots je connais par cœur. Les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. Je connais par cœur les ondes sont le moniteur, le son de mes haut-parleurs. And I've been waiting for this. Je n'aime plus la vie en balance, sans foi. J'ai fait ce qu'il fallait même dans le froid. Et si je n'affronte pas le courage, je perdrai ma croix. On continue avec une deuxième pièce de XLA. Son album c'est Nouvelle Autrefois. Et voici J'aime Jammer. Je verse, j'aime jammer. Le gars, il aime des choses, le fun. C'est un gars, c'est une bête de party. New flow, nouveau flow, feels like just like excellent. That's what I'm feeling. New flow, nouveau flow, feels like just like yeah. C'est comme un lyrical ignition avec extrême precision. Jamais avec une mentalité flex. God, it's my mission, I'm trying this new flow. And I'm hoping to hook you. What milk does for bones, Excel does for you. Welcome to ma vibration, mec. Watch out. Frappe le deck, ta position est en échec. Yo, qui a engagé ce deck? Yo, I can't wait to see where the people place me. All I know is that there's no category for me in H&B. Maybe they don't like you. And if your disc is compact, ça ne veut pas dire qu'ils te placent en dans le rack. But I'm back, new track, fights black, yeah. Now move your hips to the ends like that. J'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais. Higher lane, higher lane. Initial. De la capitale, je me dirige vers Montréal. Combien de est-ce qu'il me reste d'instrumental avant de déclencher ma dose verbale? Encounter the wise of the clock that says 5 alive. La vibe balance en direct et live. The Canadian coladas that boost the juice loose. Spend a dollar, change a quarter to meet the great moose. Mais if la musique n'était pas présente, je ferais 180 degrés. Aïe mama, j'avec le courant efficace, mentalité fluide, électrique, collaboration montée. Ding ding, mon âme se transvase dans mes vers. Ching ching, l'extase se trouve fort pour se taire. Swing ding, but don't forget the lendemain. Ne perds pas le sens de la vie et chante ce refrain. J'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais, j'aime jamais. Higher lane, higher lane. Ce n'est pas ma faute si j'aime jamais, j'aime jamais. Si je jam, ce jam, c'est pour la vie. La vie n'est pas là pour non, la vie n'est pas là pour la siesta. So lève-toi, Sirita, et bouge de là. Ce n'est pas ma faute si j'aime jamais, j'aime jamais. Si je jam, ce jam, c'est pour la vie. La vie n'est pas là pour non, la vie n'est pas là pour la siesta. So lève-toi, et bouge de là. Au rythme de la musique, bouge-toi au rythme de la musique. Bouge-toi au rythme de la musique. Est-ce comme ça, yeah. Bouge-toi au rythme de la musique, yeah. Bouge-toi au rythme de la musique. C'est comme ça, yeah. Bouge-toi au rythme de la musique. J'aime jamais mondial. Bouge-toi au rythme de la musique. Ça n'arrête pas. Tout le monde est invité à participer. Bouge-toi au rythme de la musique. Au retour de New Pornographers à la chanson courante. Bon retour, vous écoutez La Chance au Courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales avec vous, comme ça, tous les vendredis matin de 10h à 13h en direct. Juste avant la pause, on a entendu le nouvel album de XLA. Hein, pourquoi pas XLA? Ça s'appelle Nouvelle Autrefois. On a entendu deux pièces, Je verse et J'aime jamais. Parlons un petit peu de lui. Dès son enfance, XLA s'impose comme un touche-à-tout en apprenant le piano, la guitare, la batterie et le tabla. Néanmoins, un autre instrument l'interpelle, sa voix. Porteuse de messages, de sons phonétiques et de refrains accrocheurs, XLA présente son album Nouvelle Autrefois qui présente un deuxième regard aux souvenirs du passé épuissé de saveurs latines, d'effluves du Moyen-Orient, de reggaeton et de rythmes urbains monde. En collaboration avec, avec Jérôme Philippe de Dubmatic, le violoniste Philippe Donegan de l'Orchestre Symphonique de Montréal et bien plus encore. Fait regarder le vidéoclip de la pièce La Scène à Musique Plus et le premier single c'était J'aime jamais qui est présentement diffusé dans les radios. Le CD est en magasin depuis le 14 août, c'est l'artiste XLA et l'album Nouvelle Autrefois. Voilà qui fait pour ça. Maintenant, on passe à de la musique canadienne. La formation The New Pornographers nous a envoyé le CD Challengers. Et j'aime bien ce qu'ils font, New Pornographers. Donc, voici leur pièce My Rights vs. Yours. À la chance au coureur, à C'est Fou 89.1 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Under your wheels, the hope of spring. Mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school. Cheer, bump like notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Ooh, this and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. Pornographers avec On My Rights versus Yours. Voici une deuxième pièce, All the Old Showstoppers, à la chance au courage. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui, c'est fou, 89 heures. When John he saw the numbers, he lied, made up the whole thing, failed when he tried to cash in on his cautious new fame. Always the numbers, but never the name. Number the numbers he thought. Thought of his friends who slowed to a halt, who had a question to know them. Some knew the answer, some wouldn't tell. Showstoppers de la formation The New Pornographers, c'est leur album Challengers qu'on vient de recevoir cette semaine à C'est Fou 89.1 FM. Donc The New Pornographers, AC Newman à la voix, guitare, piano et Wurlitzer, Cassio mandoline, percussion, bass et bass mélodion, Blaine Thurier au Fender Rhodes, sampler et Danny Béjart à la voix, shaker, guitare, piano, John Collins, bass, baritone, guitare, glockenspiel, mandoline, guitare, Cassio, tambourin, Catherine Caldo à la voix, piano et Wurlitzer, Kirk Dale à la batterie, la voix et les percussions, Nico Case à la voix et Todd Fancy à la guitare, le banjo et la mandoline. Il va être en spectacle le 22 octobre prochain à 20h à Montréal, au National. Donc 22 octobre, 20h à Montréal, le National. Leur album Challengers sort ce mois-ci, donc je crois que c'est déjà sorti, il reste quelques jours au mois d'août. Vous pouvez voir plus d'informations si vous le voulez sur le myspace.com/thenewpornographers ou encore sur thenewpornographers.com. C'est la suite, la continuation, si on veut, dans le même style que leur album Twin Cinema de 2005. Ça dit que la première pièce, My Rights vs. Yours, qu'on a entendu en premier, est presque croisée entre la pièce Use It, la pièce adorée de l'album. En fait, Use It, qui est utilisé dans plein de trucs. Disons que c'est un groupe très, très utilisé pour publicité, thème d'émission de télé, etc. Et puis, donc, c'est comme un croisé entre Use It et The Bleeding Heart Show de leur album Twin Cinema de 2005. Voilà ce que ça dit sur leur document de presse. Encore une fois, thenewpornographers.com ou myspace.com/thenewpornographers. C'est dans mes finalistes, vous l'aurez deviné, pour coureur de la semaine. Même que je crois que je vais me permettre d'aller en mettre une troisième pièce pour l'instant. Ensuite, on passerait à un autre disque de Canadien, oui. Ambiguoso Parlor Steps. On va aussi, voyons, écouter The Wee Pool avec Township. Mais tout de suite, voici la pièce Myriad Harbor. À la chance! Au coureur! Vous écoutez C'est Fou 89 FM, la radio la plus impressionnante au monde! I took a plane, I took a train. Ah, who cares? You always end up in the city. I set the car, look up for one. See just how the sun sets in the sky. I said to John, do you think the girls here ever wonder how they got so pretty? Oh, well, I do. Look out upon the Marriott Harbor. Look out upon the Marriott Harbor. Look out upon the Marriott Harbor. All other boys with their homemade microphones have very interesting sounds. Other girls fall into ruin, dropping out of school, breaking daddy's heart, just to hang around. I walked into the local record store and asked for an American music anthology. It sounds fun. They tore off my skirt, stuck it on the walls at PS1. Myriad Harbor, une pièce de New Pornographers avec leur album Challengers. Maintenant, on passe à un autre album canadien, c'est The Wheat Pool. L'album s'appelle Township. On commence avec le préambule. Juste après, ce sera Geographic Center of Canada. Mais avant, je veux quand même vous dire que vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales reçues assez fou pendant la semaine. On le fait avec vous. On n'écoute pas les pièces ni les CD d'avance dans la plupart des cas, à moins qu'on le spécifie. Vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour les liens de l'émission. Le unechance.com, vous allez aussi retrouver sur ce site le MP3, la balado-diffusion de l'émission à chaque semaine et les notes des émissions des semaines précédentes. Hein? Tout ça est des paquets de belles choses divertissantes. Restez là parce que plus tard, on va aussi écouter Ambiguoso, un album de Parlor Steps. On va écouter aussi quelques petites pièces de The Old Soul, un groupe qu'on apprécie bien, leur Silver Summer EP. Et un disque avec un loup ou une bête, un renard. Je crois que c'est un renard avec une face plutôt épeurante. C'est vraiment spécial. Vraiment très, très spécial. J'arrive pas à voir le nom du band exactement, mais le CD s'appelle Attacks the Prairie Cat. Voilà, Prairie Cat. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Mais tout de suite, sans rien dire de plus, dans environ 20 secondes, ce sera le début de Township, l'album de The Wheat Pool. Voici Geographic Center of Canada. Vous écoutez La Chance au coureur sur C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. formation The Weed Pool avec l'album Township et la pièce Geographic Center of Canada. On leur donne une deuxième chance. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon genre de musique, mais quand même, je vous en laisse apprécier une autre. Voici tout de suite Evergreen. No one else, love, will sleep in my dreams. You will go, we will go. Over the sands of time, no one else I'd rather find. You will go, we will go. Evergreen, you and me, a summer spent out by the ocean, a rock band, a ways in motion, another club, another bar. But she was there before the show, said she missed out, let us know. We took her out for me and Ed's. Down with her smile, he missed the color of her eyes. She left a note when she stole his heart. Said, buy a van or build a boat, come and get me from the coast. Let's be together like lovers should. Packed their lives into a van, pointed their headlights at Toronto. And from a mountain, an avalanche, a trans-Canada romance, from the Pacific to Lake Ontario. Formation The Weed Pool avec leur album Township. À la chanson au courant, on vient d'entendre la pièce 3 de l'album qui s'appelle Evergreen. En fait, l'album s'appelle Township. si j'ai bien compris. The Whitpool, qui a commencé en 2004, à la fin de l'année 2004, les prairies canadiennes, dit leur document, parce que les prairies canadiennes étaient recouvertes de neige. Pendant ce temps, lors d'une soirée froide d'hiver à Edmonton, quatre jeunes hommes se sont rassemblés dans un petit pub sur White Avenue avec l'idée de former une coopérative musicale. Cette initiative devait donner une voix à leur obsession rurale et féroce penchant pour le dark county rock. County rock, je sais pas si c'est du country rock ou c'est un nouveau style de musique que je ne connais point. Le résultat, donc, c'est The Whitpool. Leurs influences viennent de groupes, par exemple, Old Reliable de Edmonton, The Weaker Dance de Winnipeg, Steve Earle, Neil Young, Blue Radio et tout plein de choses comme ça. Donc, les chansons, c'est deux frères qui écrivent des chansons plutôt sombres et puis les deux autres qui font la musique avec eux, j'imagine. Chansons qui sont appréciées surtout dans la voiture, sur une route de gravel, tard le soir, en train de chasser des trains dans le noir, dit leur document de presse. Donc, les membres sont Mike Angus à la voix, la basse et la guitare, Rob Angus à la voix, la guitare et la basse, Steve Dagenais à la batterie et Glenn Roy à la lead guitar. Leur site web, c'est theweedpool.com ou encore myspace.com/theweedpool. Leur CD Township sortira le 15 septembre prochain. Restez avec nous parce que dans la deuxième heure de la chanson courante, on va entendre entre autres l'album de Parlor Steps qui s'appelle Ambiguoso. On va aussi entendre The Old Soul et Tax, le CD avec un renard de Perry Cat. C'est très intriguant et c'est dans la deuxième heure de la chanson courante. Assez fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. C'est parti pour une deuxième heure de la chance au coureur avec Mathieu Plante qui est toujours là, toujours présent, avec une pièce de Parlor Steps et Only Mystery. Assez fou 89.1 FM. The night church is spilling, people all over the sidewalk. Sure. formation Parter Steps et la pièce Only Mystery de leur album Ambiguous. Oh! C'est comme un film d'horreur, mais dans un studio de radio lugubre. Non? Oui, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Moins chaud qu'ailleurs, mais chaud quand même. Parter Steps crée quelque chose de nouveau, dit leur document de presse, du thought rock, du rock du rock qui pense. Donc, une beauté endommagée par l'art, une musique qui est enjouée et en même temps, comme on pourrait dire, un petit peu lugubre, qui reflète bien leur maison canadienne de Vancouver, leur place, là, leur endroit. Là. Pas meilleur que toi, moi, là, pour traduire les documents de presse. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont été choisis parmi 15 000 participants. Ils ont gagné la compétition International Songwriting Competition, que vous pouvez retrouver à la même adresse, songwritingcompetition.com, ce qui a placé Parler Steps et en particulier la personne qui écrit les textes pour le groupe, Caleb Stoll, sous les projecteurs internationaux. C'est leur quatrième album complet, Ambiguoso, qui est sorti à la fin mai et distribué partout au pays par Scratch Records. Ils jouent un petit peu partout dans les radios universitaires. Ils ont joué dans les balado-diffusions de l'Internet. Et puis, ils ont joué aussi sur la CBC et un paquet d'autres endroits comme ça. Si vous voulez plus d'informations, allez voir parlersteps.com, parlour, L-O-U-R, steps.com ou encore myspace.com/parlersteps. On a entendu une pièce jusqu'à maintenant, c'était Only Mystery. On s'en va entendre une deuxième pièce, Hot Romance. Mais avant, j'accueille quand même Anaëlle parce qu'on s'est comme pas parlé. C'est moi qui ai traduit le texte, on s'est même pas parlé. Oui, c'est pas grave, j'ai traduit très bien les textes en anglais. Merci, bon retour à toi. Merci. Hein? Co-animatrice comme ça, irrégulière, régulière, si on c'est veut. C'est ça. À partir de maintenant, on verra. Tout de suite, deuxième pièce, voici Hot Romance. Tellement beau dans le studio, il se passe, tu sais, c'est lugubre à un moment, puis après ça à l'autre moment, ça va être le contrat total. Hein? Ça dépend de la musique. C'est ça, c'est fou dans le fond. C'est comme le résumé de la vie de ces fous. Ça, c'est toute une question de musique. C'est la radio de demain, aujourd'hui. Ah, oh, c'est beau. Baby, and the luck of accidents. It's a On écoute une troisième et dernière pièce de la formation Parlor Steps. Voici World as Large. À la chance ou quoi? Écoutez le son de demain, dès aujourd'hui. C'est fou 89.1. Façon dont tu danses, c'était vraiment bon. Oui, oui, oui. Nous venons d'entendre Parlor Steps avec les pièces Only Mystery, Hot Romance et la dernière qu'on vient d'entendre, World as Large. Et maintenant, on enchaîne avec une autre formation canadienne qui s'appelle The Old Soul. Leur album, c'est le Silver Summer EP. C'est un maxi, donc, de 4 pièces. Voici tout de suite You Are Gold. À la chance! Ah, c'est fou, 89.1 FM! La radio la plus internationale de Trois-Rivières. Ouais, dans le fond. On peut dire ça comme ça. Voici une deuxième pièce de The Old Soul. Celle-là ici, là. War on the Imposter. Exactement. À la chance au quoi? Vous êtes assez fou sur assez la musique. 89. Old Soul. Vous venez d'entendre War on the Imposters. Et juste avant, You Are Gold. C'est prometteur pour leur album qui sort le 2 octobre. Absolument, moi j'ai hâte. En tout cas, The Old Soul, un groupe qu'on apprécie quand même assez fou. Ils font de la musique, et c'est marqué c'est sur leur MySpace, ça dit n'importe quoi. Ça dit chanson thème d'émission, psychédélique et mexicain régional. C'est pas exactement le style de musique qu'ils font, mais bon. Groupe de Toronto en Ontario, les membres sont Luca Maoloni, Jay Anderson, Jerry Biondic, Matt McLaren, Nick Taylor, Andrew Inanen, Michael Johnson, Joan Goldsmith, Andrew Zalameda, Paul Aucoin, Robert Cinco et Brendan Howlett. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Vous pouvez aller voir plus d'informations sur le groupe au myspace.com/originaloldsoul ou encore theoldsoul.com. Vous pouvez entendre sur leur MySpace des pièces dont You Are Gold, dont War on the Impostures et Let's Neck. Ils vont être en spectacle le 7 septembre à Toronto, en Ontario, au Silver Dollar à 20h. Voilà pour The Old Soul. Très bien. Très, très bien. Maintenant, on passe à un album dont j'ai parlé tantôt un petit peu, avec un renard sur la couverture. Très spécial. Ça a sûrement intrigué bien des gens. Oui. J'ai hâte d'entendre ce que ça va être. C'est en fait, c'est la formation... c'est écrit sur le CD, le nom de la formation. Je sais que le CD s'appelle Attax. Ça vient de Prairie Cat. Voilà le nom de la formation. Leur album Attax. Tout de suite, voici la pièce Trust Don't Rust. À la chance. Au coureur. Une émission qui, elle aussi, malgré les années, ne rouille pas. Et non. Comme la confiance. Trust Don't Rust. Beau jeu de mots. C'est ça. On se fait arranger à chaque année pour la rouille à la chance. The Prairie Cat et l'animal, c'est pas un renard, c'est un chien des prairies. C'est la mi-chemin de la chance au coureur, le point de sauvegarde. Hein? Oui. La moitié, genre. Oui. Et on continue avec une autre pièce de notre chien des prairies. Oui, Better Friends Than Lovers. La formation Prairie Cat avec Better Friends Than Lovers, a.k.a. l'histoire de ma vie. Le petit chien des prairies sur la couverture, il fait peur. C'est pas, est-ce que c'est juste moi? Oui, il fait peur. Il fait peur. Et à l'endo, il a l'air soit mort. Soit il a envie de se faire flatter, comme tu dis. Un peu comme la photo à l'intérieur de, du gars, du chanteur. Oui, une pochette un peu décalée parce qu'à l'intérieur, il y a la photo du chanteur devant son piano. C'est tout noir, alors oui. Que l'extérieur est tout coloré. Oui. Avec, on dirait que c'est un toutou. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, oui. C'est spécial. Information sur fuzzylogicrecordings.com. C'est pas mal le seul site où vous pouvez trouver des informations. Je vais aller voir sur MySpace s'il n'y aurait pas une page pendant qu'on écoute une troisième pièce. It's good to be you. Ça, c'est sûrement l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre. Qui sait? Vous écoutez La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Formation canadienne Prairie Cat à la chanson coureur. On vient d'entendre les trois premières pièces de l'album. Ou peut-être du maxi. Du maxi, oui, c'est ça, parce qu'il y a seulement sept pièces. Exactement, c'est bien compté. C'est ça. Alors, on a écouté Trust Don't Rust, Better Friends Than Lovers, la vie de Mathieu, It's Good to Be You, la vie de quelqu'un d'autre. Merci de le rappeler. Prairie Cat, un groupe de hardcore Latin jungle. Vous voyez comment les gens écrivent n'importe quoi sur leur MySpace. Les membres sont Kerry Pratt à la voix et la guitare, et la Rhodes et le piano, et les ou et les A, et les tapements de main, et les claquements de main, c'est ça. Tom Tom, batterie. Wow, j'essaie de lire. C'est, est-ce que c'est Tom Tom la personne? Non, je crois que c'est des Tom Tom drum. Du bass drum, du snare drum, cymbale, tambourin, coche de vache, synthétiseur, son d'arrière-plan. Et voilà. C'est ce que ça dit. Je pense que c'est pas mal le seul membre de Prairie Cat. Oui, il a l'air un peu tout seul. Un petit peu tout seul. Vous pouvez aller voir plus d'informations sur le myspace.com/PrairieCat. Vous pouvez aussi entendre des pièces 2 et aller voir en spectacle. Sont ce soir, le 31 août à 20h à Toronto, au House Party. Hein? Pourquoi pas. C'est ça pour ça. C'est un beau petit groupe canadien qui fait rien de très original, selon nous deux. C'est ce qu'on disait tantôt. C'est pas mal standard. Un petit peu redondant, répétitif, c'est toujours la même chose. C'est ça. Mais c'est pas mauvais quand même. Moi, j'ai quand même bien aimé. Oui, c'est tranquille. C'est ça, c'est tranquille. Maintenant, on passe à un groupe que j'aime depuis quand même longtemps. Assez fou. On fait passer des pièces 2. Il était sur la trame sonore, le CD de l'émission Les Pourris de Talent à Musique Plus. Il avait joué quelques chansons là, dont Bacteria, que j'avais beaucoup aimé. Le nom m'est resté dans la tête. Maintenant qu'on a un album complet, T'sais. Autant se gâter. Autant se gâter. Tu disais que le nom ressemble à The Offspring, je sais pas. Oui, si... Hot Springs of Springs. Peut-être une inspiration quelque part. Oui. Mmh. Moi, je vais découvrir. Voici tout de suite la pièce Head Rush à la chance. Au coureur. L'émission qui fait quoi, non? Elle analyse, critique et décortique les nouveautés de la semaine. Ouais. Avec Head Rush, deuxième pièce tout de suite. C'est le Fane. À la chance, au courant. Vous êtes assez fou. 89 ans. Yeah. La formation Hot Springs avec la pièce Cellophane précédée de Head Rush, ça vient de leur tout nouvel album Volcano, ici à la Chanson Coureur. Disons que c'est un beau petit groupe, ça. Oui, ouais. Quand même sympathique. Mmh. Qui sont-ils? Alors, Hot Springs, eh ben, ils viennent de sortir leur premier album, Volcano, qui sera dans les magasins le 18 septembre. Les bacs? Dans les bacs, j'allais dire ça. Ça. Oui. Bon, je me suis retenue. Leur performance à venir, le 27 septembre à Québec, au Velvet, okay. Le 28 septembre à Montréal, le National, le 29 septembre à Toronto et le 20 octobre à Sherbrooke. Bon, leur communiqué, il est un peu long. Oui. Donc je vais aller à l'essentiel. D'accord. À leur adresse, carrément. Ah oui, c'est une très bonne idée. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous avez leur site web officiel, www.hotsprings.ca, et un petit trait de liaison pour Hot et Springs. Ok, ok, un trait d'union ou un trait souligné Un trait d'union. Trait d'union. Exactement. D'accord. Et leur MySpace, évidemment, www.myspace.com/TheHotSprings. Est-ce qu'on appelle ça différemment, mettons, ailleurs qu'au Québec, dans le reste de la francophonie, un trait d'union? Non, c'est un trait d'union. Ok, c'est pas un trait de liaison. Non. Voici la troisième pièce de Hot Springs. C'est Fog of the Horn à la chance! Au coureur! I can hardly smell you. Live inside a river, becoming land lumber, learning how to grow roots. Sometimes you're our mother, rock and soothing comfort. Sometimes you're a lion slurping up a hue. I knew a sailor, he was my protector. Now he is a stranger, so long, stranger. Springs. Ben oui. C'est bien, quoi. Très. On vient d'écouter trois pièces de ce groupe. Dernièrement, Fog and the Horn, Cellophane and Headbrush. Oui. Hot Springs, qui est un groupe de trash pop psychédélique, apparemment de Montréal au Québec. Leur album Volcano sort le 18 septembre et c'est aussi sur iTunes maintenant. Ils vont être en spectacle le 27 septembre, comme tu disais, à 20h au Velvet. Hein? Ça, c'est à Québec. Le 28 à 19h30 pour le party de lancement au Théâtre National. Ça, c'est à Montréal. Le 29 à 20h au Lee's Palace pour le lancement de l'album, là aussi, mais à Toronto. Et le 20 octobre à 20h au Téléphone Rouge de Sherbrooke. Pour plus d'informations, c'est hotsprings.ca ou hot-union, hein? springs.ca ou myspace.com/thehotsprings. Les membres sont Gisèle à la voix et la guitare, Rémi à la guitare aussi, Anne au bang bang et Fred au bass in your face. C'est ce que ça dit. Faut les croire si c'est ce qu'ils disent. Exactement. Ils ne mentiraient jamais. The Hot Spring. Prochain album qu'on s'en va entendre, Annel. Peter Katz. Peter Katz. Oui. On aurait pu le faire and jouer après Perry. Curious. Katz. T'as gâché ma blague. Dès qu'on aurait pu le faire jouer après Perry Katz de tantôt parce que ça s'appelle Peter Katz. Tu disais donc Peter Katz. Peter Katz and the Curious. Et leur album s'appelle More Nights. Tout de suite, voici la pièce. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ça me va, moi. Pourquoi pas? Ok. C'est ça. So-so. Oui. Coussi-coussi. Comme si comme ça. Comme si comme ça. C'est ça. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés avec vous. Assez fou. 89 ans. Est fou. Je voulais que ça rime. Bon, ça rime. T'es content? Comment ça? Ah, là. It seems I forgot. As I know I was playing, and now I'm not. Well, I put all my marbles in one great big pile. And I one by one gave them away for a while. Oh, but then all those bullies rose up from the sand. They took twice my offering and emptied my hand. Oh, damn them all. So I took all this paper and I fashioned a boat. I set it on water to see if it flowed. Oh, well, it sank like the silence. Well, I tried to sleep. It sank as if water to make fun of me. Well, okay. Peter Katz. Non pas Peter Katz and Dogs, mais bien Peter Katz and the Curious, avec une pièce de son album More Nights qui s'appelle Okay. Ça commence bien comme album. Oui. No. Donc, ça réveille pas, mais exactement. C'est là, quand c'est même. Ça. On voici une deuxième, elle s'appelle Posters. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales. De la semaine. Ah, c'est fou. 89.1. FM, la radio. Campus. De Troyes. Rivière. La radio la plus impressionnante au monde. Ouh, qui réveille le matin. Oui, et ensuite vous réveille. Et vous rendez et vous réveille. I lost you for a midnight. I found you in the morn. I lay there wondering, wondering where we. Turning into monsters. We're turning into war. So let's stop printing posters that say that we are sure. Let's put on sweatpants and get into my car. Let's drive out to the country and give each other stars. This one's for your beauty, and that one's for your heart. I love you here this evening, so let's not be apart. Peter Katz and the Curious. Heureusement qu'on est là pour vous réveiller. Oui. Sinon. Bande de chance. La pièce s'appelle Posters et ça vient de l'album More Nights. Si vous voulez plus d'informations sur Peter Katz and the Curious, c'est le myspace.com/PeterKatz avec un Z ou encore le PeterKatz.com. Les membres sont Peter Katz, Ben Harrison, Scott Montgomery, Brad Hart, Drew Jureka et Sheena Turcotte. Turcotte. J'adore ton accent. C'est ça. Donc ça, c'était pour un album canadien qu'on a reçu. Il nous en reste encore plusieurs. Vous devriez voir notre, comment dire, cabaret de disques. Oui, il y en a énormément. On va se perdre. Oui, et puis ce ne sera pas suffisant. Non. Pour, on ne pourra pas tous les passer. Il nous reste qu'une heure. Mm-hmm. Et on va devoir en remettre à la semaine prochaine. Oui. Ça va être génial. À La Chance au coureur, saison numéro 73. On est là depuis 69, je pense. À La Chance au coureur. On vous en parlera tantôt. On va parler de nos changements d'air à toutes les émissions que j'anime. Mais tout ça plus tard. Dans la troisième heure, on va aussi entendre des artistes tels qu'un gars qui dédie l'album à sa maman. Il s'appelle, en fait, c'est la formation I See Robots avec Hide and Seek Behind the Throne. On va aussi entendre d'autres groupes canadiens, dont peut-être, je sais pas, Foliage. C'est une Foliage, ça a l'air bon. C'est un jeu de mots, Foliage, j'aime ça. Et puis quoi d'autre? Ah, j'aimais bien celui-là que t'avais juste là. Celui-là. Ah, ça c'est bon, ça. Ah, ça c'est bon, ça. Ok, peut-être de Matt Averas. Ou peut-être qu'on changera de style pour quelque chose d'autre que du canadien pour l'instant. C'est ça. On va faire changement. Restez là parce que c'est la troisième heure de la chanson coureur et ça commence dans 2 minutes. Ah, c'est fou. 89 ans. FM. I see robots avec Mine and Strikes. C'est le début de la troisième heure de votre chance au coureur avec Anna Eliès et Mathieu Plante. Exactement. I see robots. On enchaîne avec une deuxième pièce. Si, si. Si, si, si. Vous êtes assez fou. Assez sur la musique. formation IC Rowboats avec leur maxi Hide and Seek Behind the Throne. Deux pièces, on a entendu les deux premières de l'album en fait. Mind and Strike et CC qui se termine là. C'est ça. On va la laisser continuer d'ailleurs. Pourquoi pas. Pendant qu'on parle un petit peu de IC Rowboats, qui est un groupe qui s'est formé en 2006, deux amis depuis longtemps, William Robinson et Luke Fisher, qui se sont reconnectés et ont collaboré pour former le band. Le duo a aussi rencontré Darcy Fraser pour la percussion. C'est une fille, c'est ça, c'est elle aussi qui fait la guitare. Et puis Lisa Lipton à la bass, et plusieurs autres gens comme ça. Un groupe canadien ici à la chanson. Il n'y a pas vraiment d'autres infos sur le groupe, à part sur leur MySpace, oui, que vous pouvez aller voir au myspace.com/ilikerowboats et entendre des pièces dont Mind and Strike et dont In Cars et même Waiting Up. Voilà qui fait le tour de ça. Oui. Oh, je vois Naël comme ça me donner un autre album. Oh, wow. Oui, ils sont passés à de l'anglo. Pourquoi pas passer? Oui, arrêtons le canadien, ça va oui. faire. On fait du canadien depuis genre une heure et demie, ça va aller. Qu'est-ce que c'est? C'est les Figurines. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce groupe-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour voir si mes amis sont vraiment de bons conseils. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est que des amis, des fois. L'album s'appelle When the Deer Wore Blue. Ça sort le 11 septembre. Leur single, c'est Hey Girl. On va l'entendre, tiens, pourquoi pas le single. Et ensuite, on choisira des pièces par nous-mêmes. Exactement. On est capable de penser et trouver nos propres pièces sans regarder ailleurs et demander. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je joue pour toi? Hey La girl. Chance! The Figurines. Très bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, moi aussi. Ils vont être en spectacle le 27 octobre à 20h au Club Lambie de Montréal. Les membres sont Christian Helm à la voix et la guitare, Klaus S. Johnson à la guitare et les back vocals, comme on dit, Christian Volden à la batterie et percussion et Mads Kjærgaard à la bass et les backing vocals. Oh, il y a aussi James Raymond au piano, synthétiseur et guitare. Leur site web officiel, c'est figurines au pluriel figurines.dk ou encore myspace.com/figurinesdk. Ils font un alternatif rock psychédélique. Ils viennent de ces cris qui viennent, je sais pas, de Copenhagen, Danemark. Oui. C'est ce qui est écrit. Ben, DK, c'est Danemark. Donc, ce serait vrai? Oui! C'est rare sur MySpace que les gens, quand ils écrivent quelque chose du genre, que ce soit vrai. Oui, ben parce qu'ils sont tous très psychédéliques, je trouve. OK. Est-ce qu'on va voir si leur prochaine pièce est aussi psychédélique? Voici la première. Childhood Verse. Vous êtes à la Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales. La troisième pièce de l'album, c'est la première, pardon, Child Verse, c'est ça, ben oui, de la formation Figurines. Maintenant, voici The Air We Breathe à la chance, qui est, elle, l'émission qu'on écoute. Exactement. C'est ça. Chacun de vos sens sont comblés. Ça, puis pensez au fait que le groupe est danois, donc pensez aux danoises. C'est aussi bon. Fait que le goût, le louis et l'odorat. Thank you. Ça prévisible un peu comme parole. C'est le titre aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est encore et encore et encore. Mais n'empêche que l'album est très, très bon. Oui. C'est When the Deer Were Blue. Ça vient de la formation The Figurines. L'album sort le 11 septembre prochain. Hein, pourquoi ne pas aller vous renseigner sur leur site figurines.dk ou encore le myspace.com/figurinesdk. C'est ça, exactement. Ils sont une certaine constance, si on veut. Donc voilà pour ce groupe, on passe maintenant à Foliage, qui est un jeu de mots incroyable entre faux et foliage. C'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus. Oui. On parlera du groupe tantôt, pendant qu'on s'en va entendre la première pièce de l'album. All the World. Ah! Tout le monde! C'est pas la pièce de Metallica, là, à tout le monde, à tout le monde. Non, c'est Megadeth déjà, et c'est pas Metallica. Megadeth. Oui. C'est vrai. Je m'excuse. C'est pas grave. Ma blague est un petit peu gâchée, mais quand même. Tu pourras la refaire tout à l'heure, si tu veux. Ok, ouais, j'aime ça, recycler mes blagues. Je suis très environnemental côté blague. Je suis vert, on pourrait dire, même. J'ai le pouce vert des blagues. Vous écoutez la chanson au courant. Ah, c'est fou, 89.1. FM. Make your life matter. Après la pause, Spaced Out Live at the Crescendo Festival et Protecto Tacos. Si. À la Chansocora. Tout de suite, voici une autre pièce de foliage. Someday the Wind. À la chance. Au coureur. Et restez là plus tard, Spaced Out et Protecto Tacos. Des albums vieux, mais on se gâte un petit peu. Exactement. Avec du jazz. C'est par où signer la chance au coureur. Non, c'est jamais pareil. Non, autant différent. This storm will never lose control. She will rise and fall with the tide. I have found something to hold, a place to go. Voyage avec Someday the Wind à la chanson quoi. Leur album s'appelle s'appelle aussi Foliage, étrangement. Original. Oh, très original. C'est un groupe d'électronica ambiant de Los Angeles aux États-Unis. Les membres sont Lee Nash, Bill Lieb et Rice Fulber. Vous pouvez entendre des pièces dont Let It Go, All the World et Without You. Sur le myspace.com/foliage. Foliage étant un jeu de mots, il faut l'appeler avec faux F-A-U-X liage. Voilà. Et puis, il y a une petite biographie aussi, longue collaboration entre d'anciens membres de Sixpence None the Richer. Sixpence None the Richer. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Ah oui, pas vrai? Oui. Moi, je connais pas tant que ça du tout, même Sixpence. Tu connais pas les Sixpence? Non, j'ai jamais vraiment entendu. Ben, plus ou moins, j'ai entendu, mais je n'ai pas fait l'association avec leur nom. Dommage. Bon. Je devrais découvrir? Oui. C'est bon? Bah, okay. C'est aussi bon que ça. D'accord. Donc, Foliage, leur album est éponyme et c'est disponible très bientôt. Passons maintenant à un autre projet, je dirais. Projecto de Tacos. On a reçu deux albums. Un album qui s'appelle Drum and Bass et un album qui s'appelle Sabor Atropico. Si je regarde à la fin du petit dépliant, ça dit que Drum and Bass est sorti en 2002 et Sabor Atropico est sorti en 2006. On va entendre une portion de jazz parce que l'autre, Drum and Bass, est classé en électronique ici, oui. Assez fou. Donc, on s'imagine que l'autre a un accent un petit peu plus jazzé. C'est ce qu'Anaël aimerait entendre, je crois. Oui, j'aimerais beaucoup entendre ça. Un petit peu de jazz comme ça, en ce joli jour d'été, presque fini. Presque fini, en effet. Triste. Oui. Vous êtes à la chance au coureur. À C'est fou 89.1. FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah. Thank you. Proyecto Tacos. Proyecto Tacos. Proyecto. Avec l'album Sabor a Trópico et la pièce Puerto Vallarta, Siguiendo al Sol, ou une approximation, genre c'est similaire à ça, mettons comme titre. Oui. Ça, à peu c'est près. Un rythme estival. Mm-hmm, très estival, c'est ouais. Très très bon. On va passer à un autre style complètement différent, par contre, parce que vous savez qu'on aime faire ça à la chanson pour avoir. On n'a pas passer... parlé du tout de Project Otako, ça, je regarde ça, mais on n'a pas vraiment d'informations. Bon. Et les informations qu'on a sont en une langue autre que le français et l'anglais. Exactement. Je ne vais même pas m'aventurer. L'espagnol. Sûr, peut-être. Portugais. Proyecto Tacos. C'est ça. On passe à un groupe qui s'appelle Orange. Voici l'album Escape from LA et la pièce Not Coming Home à la chance. Au coureur! Home is the heart and it's the center of a life less ordinary. Wouldn't change this world for anyone. I say you, you say me, you say everything, but all the things that I can be is in my mind this time as any time it's ever been. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break. Lost my hope, lost the fight. I lost my girl and I lost my life. But I found a way to break the spell of misery. Come on, get off the floor, come on, get off the floor. Are you ready for more? Say you're ready for more. We only gonna shut out this, so come on, babe, let's make this count. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Confusion and delusion and destruction going on in my mind. And all the while, like the golden first, this blasphemy is killing me and I don't understand. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Confusion, I can't take this. Continue and my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. Confusion, now I can't take this. Continue, my heart will break and I'm sorry, but I'm not coming home tonight. La formation Orange avec l'album Escape from LA et la pièce Not Coming Home. Et on s'en va écouter Get the Fuck Out of My Way. Get the fuck out of my way. On dirait des fois que c'est pas bien. Oh. Version punk. Mais c'est bon, par contre. Sick of being pushed in the background, not saying what it is I think, not feeling quite like myself without another fucking drink. This is always standing in my way, never missing a goddamn day. In my mind, inside and out, this is another one of my doubts. It's time for you to leave, goodbye to you from me. Fighting for my sanity, I'm doing the best that I can. Hey, hey, you get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Hey, hey, you get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Feel the winds, I feel the breeze. Free myself from you and me. I didn't wanna end up this way. So damn nervous, so damn afraid. I did this to myself and I regret it all now. Why can't I do this shit, but how? It's time for you to leave. Goodbye to you from me. Fight for my sanity. I'm doing too in the best that I can. Hey, yeah, you get the fuck out of my way. Get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. So let's just go our separate ways. Hey, yeah, you get the fuck out of my way. Hey, you get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Hey, yeah, you get the fuck out of my way. Hey, you get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Hey, yeah, you get the fuck out of my way. I don't wanna fight you, so let's just go our separate ways. Du punk avec la formation Orange et leur album Escape from LA et deux extraits qui ont été Not Coming Home et Get the fuck out of my way. Tasse-toi de la bâtard. C'est ça que ça veut dire. Orange, groupe de rock, pop, punk, punk de Los Angeles en Californie. Never show mercy, just rock. C'est leur slogan. Ils vont être en spectacle un petit peu partout en Californie. Pas de date au Québec pour l'instant. Même qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, on dirait un très, très petit groupe. Honnêtement, ils n'ont pas de vrai site web non plus. MySpace.com/Orange est le seul endroit où on peut trouver des informations, en tout cas officiellement de leur part, à part sur l'étiquette. Si vous voulez plus d'informations, allez là aussi pour entendre Get the Fuck Out of My Way et What I'm Looking For et I'm a Cunt. Très classe comme groupe, pas du tout vulgaire. Vraiment très courtois. Mais j'aimais vraiment le passage de Bob Dylan. Il chantait vraiment comme ça. En tout cas, voilà qui fait le tour pour le punk cette semaine. Oui. Il nous reste un album à entendre avant de passer à notre coureur de la semaine. Ceux qu'on s'en va entendre, c'est les gens de chez Spaced Off. Non, c'est ça. Je m'excuse. T'as raison. On avait changé de plan. On va écouter une pièce de chacun de nos deux coureurs de la semaine. Ça sera pour la semaine prochaine, ça. C'est ça, la semaine prochaine. Une chance qu'on s'en ait raté de le faire. Oui. On a un genre d'ex-écho de notre coureur de la semaine cette semaine. Oui. On a genre. Deux coups de cœur. Oui. Deux coups de chance. On commence par une que j'ai choisie ici. C'est la formation de New Pornographers. Leur album, c'est Challengers. Et on écoute la pièce titre à l'instant même sans perdre plus de temps. C'est La Chance. Au coureur. Yes, I know it was late. We were greeting the sun before long. And you live with someone, I live with somebody too. Leave it there for safekeeping. Wander the West Village in plains. That was the custom. Come down. On the walls of the day, in the shade of the sun, we roll. Another vision of us. We were the challengers of the unknown. Be safe, you say. Whatever the mess you are, you're mine, okay. That is the custom, I'm down. See you around until we clear the accounts. Leave it there. Leave it to us. We are the challengers of the unknown. La formation canadienne The New Pornographers avec leur album Challengers et la pièce titre de cet album, La Chance au coureur. C'est mon coureur de la semaine à moi. Là. On s'est séparé ça en deux pour faire spécial. Ah, mais moi, ils ont eu leur chance et j'ai aimé ça. Le groupe danois Figurines. le groupe danois, c'est quoi? Figurines. On va entendre une pièce de leur part dans quelques secondes qui va s'appeler Alpha Aware. C'est ça. L'histoire de ma vie, comme dirait Mathieu. C'est ça, ben moi je dis ça tout le temps. Sans t'inviter à ta moitié endormie, à moitié au courant de ce qui se passe. Voilà qui fait le tour, c'est la chance au coureur pour cette semaine. On doit se quitter malheureusement parce qu'on a seulement 3 heures à chaque semaine. Eh oui, seulement 3 heures, franchement. Est-ce que t'es de retour la semaine prochaine? Ben sûrement. On partit. Si tu veux de moi. Af là et af, pas ici. Si tu veux, je peux m'en aller. Non, je veux de quoi. Bon. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À une nouvelle heure, nouveau jour, lundi de 11h à 13h, diffusion jeudi de 11h à 13h. Les palmarès et fous sont toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 17h, mettons, et en rediffusion à quelque part dans la semaine. La Chance au coureur est en direct les vendredis matins de 10h à 13h. Allez voir les heures de diffusion sur lunechance.com parce que tout va changer à cet automne fébrile. Bouleversement. Il faut se renseigner. Hein? Et écoutez, c'est fou pour savoir aussi les heures. Oui. Les publicités s'en viennent. Anaël, merci beaucoup d'avoir été là. Il y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Merci d'avoir choisi ton courant de la semaine. Oui. Aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De Mathieu. La part de Anaël Huyez et de Mathieu Plante. Bonne journée. Merci d'avoir écouté. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis en train de vous dire au revoir et au revoir. Au revoir. C'est pas dans l'ordre que je voulais, mais quand même. Open up, there are the people we knew. Hold down. I'll share.